franceinter.fr. Bonsoir. Dans Autant en emporte l'histoire aujourd'hui, 1848, des femmes dans la Révolution. Le 22 février 1848, tout semblait calme dans le royaume de France. Mais ce matin-là, des ouvriers, des artisans, des étudiants, des femmes et même des enfants ont envahi la capitale. La veille, une réunion républicaine a été interdite par la police. L'ambiance est inhabituelle, fébrile, électrique, malgré la pluie qui commence à tomber. Alors que les manifestants sont de plus en plus nombreux à la Concorde et à la Madeleine, un chant s'élève soudain, la Marseillaise, qui va galvaniser la foule. Rien ne semble plus pouvoir l'arrêter. Le soir, les premières barricades se dressent. C'est le début de la Révolution de 1848, qui, après Paris, va bientôt embraser toute l'Europe. Ce qu'on oublie souvent, c'est que cette révolution fut pour les femmes le creuset d'un incroyable bouillonnement d'idées, un moment suspendu où tout semblait possible. Elle s'appelait George Sand, bien sûr, mais aussi Eugénie Liboyet, Jeanne de Rouen, Jeanne Désirée Gay, et j'en passe. Des femmes n'ayant d'autre existence civile que celle de fille ou d'épouse. Elles ont pourtant pris la parole, écrit des pétitions, imaginé un monde où femmes et hommes seraient libres et égaux. Comment Suzanne, jeune fille éprise d'absolu et de littérature, pourrait-elle résister à cet élan ? C'est son histoire que je vais vous raconter ce soir. Autant en emporte l'histoire avec Stéphanie Duncan. Michèle Rio-Sarcey, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historienne du politique et du féminisme, auteure notamment de plusieurs livres sur la Révolution de 1848 et le rôle notamment qui jouèrent les femmes, un rôle important. Alors l'histoire que je vais raconter dans quelques minutes est fictive, celle de Suzanne, une jeune fille romantique qui en juin 1848 fugue de chez son père, part à la recherche de sa sœur, la mystérieuse Clotilde, dans un Paris en proie à la Révolution, une sorte de parcours initiatique qui va la conduire parmi les ouvriers, sur les barricades et dans les clubs de femmes. Alors pour bien comprendre cette histoire, Michèle Rio-Sarcey, j'aimerais que vous nous rappeliez les grandes lignes de cette révolution de 1848, assez mal connue, qu'on oublie un peu aujourd'hui. Une révolution commencée dans l'euphorie du 22 février. Voilà, je viens de raconter ce moment clé, ce tout petit début, et qui va se terminer dans le sang et aussi dans l'amertume par les terribles journées de juin 1848. Alors d'abord, dites-nous, à quoi la révolution de février voulait-elle mettre fin ? À la misère. La révolution de février voulait mettre un terme à la misère sociale. Et on ne peut absolument pas délier la question sociale de la question politique. La révolution est précédée par toute une campagne de banquets. Pourquoi les banquets ? Parce que les réunions collectives étaient interdites. Et donc, c'était le moyen de se réunir pour demander, pas immédiatement le suffrage universel, mais la réforme électorale jusqu'au suffrage universel. Oui, nous sommes dans une monarchie à ce moment-là. C'est la monarchie de juillet. Et donc, Louis-Philippe, très tôt et très vite, voit que son dernier jour est arrivé. Et il y a une série de tentatives pour essayer de trouver une substitution à cette république qui, de toute façon, va être proclamée. Mais en même temps, c'est droit politique, cette réforme du suffrage, est précédée dans les années 1840 d'une immense grève. Immense grève dont on n'a absolument pas compris les ressorts, comment les ouvriers avaient réussi à se coordonner, à coordonner leurs efforts, alors qu'aucune possibilité de s'entendre n'existait. Et donc, ces grèves demandaient l'abolition du marchandage, demandait la diminution du temps de travail et tentait justement de réfléchir, et les ouvriers tentaient de réfléchir pour l'organisation du travail. Louis Blanc, qui dès les premiers jours du gouvernement provisoire va être pressenti pour organiser justement ces dialogues entre les ouvriers et les patrons sur l'organisation du travail, va être relégué à la commission du Luxembourg pour tenter de résoudre une question particulièrement difficile. Mais dès les premiers jours de février, c'est-à-dire pendant ces 3 jours, vous avez, comme vous l'avez précisé, un enthousiasme extraordinaire parce qu'on imagine que la révolution, cette fois-ci, va satisfaire les demandes sociales en même temps que les exigences politiques. La République est proclamée immédiatement. Oui, le 24 février. Le 24 février. Louis-Philippe abdique et le jour même, la Deuxième République est proclamée. Alors que des libéraux tentaient de rétablir une pseudo-royauté par l'intermédiaire de la Régence, il y a immédiatement des foules, en fait, la foule qui se rassemble auprès de l'hôtel de ville, dans les lieux publics, pour demander la République et en même temps pour demander quelque chose qui, effectivement, pourra satisfaire les exigences à la fois sociales et politiques. Et quelles vont être les mesures, les principales mesures prises par cette Deuxième République? Les principales mesures sont immédiates, c'est-à-dire c'est l'abolition de la peine de mort, bien sûr la proclamation de la République et la loi sur le travail, c'est-à-dire que le travail va être considéré comme une nécessité. Et c'est la raison pour laquelle, immédiatement, les ateliers nationaux vont se mettre en route. Voilà, c'est la création des ateliers nationaux. C'est la création des ateliers nationaux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce sont ces ateliers nationaux ? Dans la mesure où le droit au travail est proclamé, il n'est pas possible que les personnes sans travail n'aient pas le moyen de subsistance, d'où la nécessité de créer des ateliers nationaux, c'est-à-dire que dans ces ateliers, un certain nombre de travaux vont être effectués, travaux publics, travaux de réfection de la voie publique ou travaux, par exemple, de couture pour les femmes, puisque les ateliers nationaux pour les femmes seront ouverts le 10 avril seulement, hein, plus d'un mois après les ateliers nationaux pour les hommes. Et donc ce droit au travail est absolument indispensable. Et en même temps, il faut quand même donner du travail. Et c'est la première opération qui laisse croire, en quelque sorte, que le gouvernement provisoire va répondre aux attentes. Et très tôt, avec le suffrage universel, ou que j'appelle moi le suffrage dit universel parce qu'il n'y a que les hommes qui sont concernés, avec le suffrage universel, écrira le ministre de l'Intérieur du gouvernement provisoire, Le Drulin, avec le suffrage universel, désormais, il n'y a plus de prolétaires en France. Comme si la question politique résolue, il n'y aurait plus de question sociale. Mais en même temps, on sait très bien que cette question est là, puisque le grand mot d'ordre on a oublié de la révolution de 48, c'est l'abolition de la misère. Les philanthropes ont précédé la révolution par toute une série de textes sur la nécessité de réformer cette situation qui était absolument intenable. Et donc, la révolution a permis l'espoir. La révolution a permis l'espoir. Mais en même temps, la révolution n'a apporté qu'une seule réponse. La réponse politique. Donc la Seconde République ne réussit pas à satisfaire l'attente des ouvriers. La Seconde République ne permet pas de satisfaire l'attente des ouvriers parce que la situation économique est difficile. Mais en même temps, l'espoir est absolument incompressible. C'est-à-dire l'horizon des possibles apparaît puisque à la fois la Commission du Luxembourg va essayer justement de résoudre la question sociale et en même temps les lois de la diminution du temps de travail, de l'abolition du marchandage, du travail à la tâche. C'était quelque chose qui était de l'ordre de la réclamation très très forte de la part des prolétaires de cette époque-là, va permettre l'espoir. Et pendant quelques semaines, tout semble possible. Une série de textes sont envoyés dans les différentes institutions, ce soit à la Commission du Luxembourg ou à l'Assemblée nationale, donc pour essayer d'apporter des réformes et des solutions à la question sociale. Donc la Seconde République ne réussit pas à satisfaire l'attente des ouvriers et à l'euphorie et la joie de février va bientôt succéder ce qu'on appelle le carnage, les terribles journées de juin. Michel Rio-Sarcet, nous poursuivons cette discussion dans une trentaine de minutes. Tout de suite, l'histoire de Suzanne dans 1848, des femmes dans la Révolution, un texte original écrit spécialement pour Autant en emporte l'histoire par Tadi McNamara, réalisation Cédric Ossir. Suzanne, tu es prête? Tu as fait tes bagages? Non, pas encore! Dépêche-toi, nous devons partir! Il me parle de partir alors que ça gronde partout dans Paris. Il paraît qu'ils vont construire des barricades à l'autre bout de la ville. Et mon père m'envoie chez les cousins à Tours, au beau milieu de nulle part. Je vais mourir d'ennui là-bas. Suzanne, tu viens ? Dès demain, tu seras à l'abri. Mais je n'ai pas envie de me mettre à l'abri. Ma chère fille, je ne te laisse pas le choix. En février déjà, j'ai tout raté. Les combats, la révolution. Les canons résonnaient dans Paris pendant que moi, en pension, je récitais des « Je vous salue, Marie ». Moi, je veux sortir. Comme George Sand et Victor Hugo. Voir les bistrots du quartier latin, les ouvriers sur les barricades, toute cette vie. Qui est-ce ? Je t'en supplie. Tu dois retourner à ton club des femmes, il n'en est pas question. Cette voix. Clotilde ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est elle ? Père, est-ce que c'était Clotilde ? Clotilde ? Non. Bien sûr que non. Le cocher nous attend, Suzanne, il est temps de se mettre en route. Paris, 22 juin 1848. La révolution de février a balayé la monarchie corrompue. La France est désormais une république. Cependant, les ouvriers s'estimant trahis par le pouvoir réclament du travail, du pain et une république démocratique et sociale. La France est plus divisée que jamais. Suzanne, une jeune fille de 18 ans, vit dans les beaux quartiers de Paris, près de la place Vendôme. Son père, juriste, est député à l'Assemblée nationale. C'est un républicain modéré qui appartient au parti de l'ordre. Pour ses habitants des quartiers bourgeois, la classe laborieuse est devenue incontrôlable. La fermeture des ateliers nationaux, ordonnée par le gouvernement 2 jours plus tôt, a provoqué la colère des ouvriers. Pour beaucoup, ce travail était leur seul moyen de subsistance. Au matin du 22 juin, les premières barricades apparaissent dans l'est de la capitale, prélude à 5 jours de violentes émeutes. On s'approche du Luxembourg. Cochez plus vite, s'il vous plaît. Je ne veux pas que nous soyons bloqués par la foule. Ne fais pas cette tête, Suzanne. C'est pour ton bien. Tu entends là ce qui gronde, tous ces cris, ce vacarme. Ce sont les ouvriers. Là-bas, à Tours, tu seras plus en sécurité. Les ouvriers ont sans doute de bonnes raisons de protester. Père, tu es député, tu dois le savoir. Je te le dis, le tonnerre gronde. Depuis des années, ils attendent leur tour. Mais ils ont obtenu ce qu'ils voulaient, non ? Le droit de vote, la République. Le droit de vote, ils s'en soucient comme d'une guigne. Ce qu'ils veulent, ce sont nos biens, nos propriétés. Et du travail, sans doute. Quand on leur en propose, ils le refusent et préfèrent se tourner les pouces aux ateliers nationaux. Regarde là-bas. Une ouvrière porte son enfant sur son dos, elle a l'air épuisée. Plus vite, cocher ! Tous ces socialistes... Ils rêvent d'une émeute jusqu'à la fin des temps, pour continuer à se servir. N'est-ce pas normal ? Certainement pas. Il faut empêcher l'incendie de se propager. Cette fois, il faut en finir. Et s'ils se battent ? S'ils refusent de se laisser faire ? On ne leur laissera pas le choix. Et cette femme ? Son enfant ? On ne touchera pas aux ouvrières. Pour qui est-ce que tu me prends ? Père, tout à l'heure dans le salon, est-ce que c'était ma sœur ? Est-ce que Clotilde est revenue ? Je t'ai déjà répondu que non. Il y avait quelqu'un pourtant. C'était la voisine, Madame Vigier. Elle est passée nous souhaiter un bon voyage. Et tu l'as envoyée au club des femmes ? S'il te plaît, arrête. C'était la voix de Clotilde. Tu le sais bien, je ne veux pas qu'on parle d'elle. C'est elle qui a décidé de partir. Je suis sûre que tu mens. Cocher, arrêtez. Que fais-tu ? Je descends là. Reste ici. Ne me touche pas. Où vas-tu ? J'ai besoin de comprendre. Suzanne ! Reviens ! Cocher, suivez-la. La jeune fille s'engouffre dans le centre de Paris et monte avec hâte la rue Saint-Denis, l'artère principale de la capitale, vivante et animée. Plus haut dans la rue, des ouvriers commencent à se rassembler. Depuis le printemps, les affrontements sont fréquents entre les gardes nationaux et le peuple de Paris. Le 15 mai, des socialistes radicaux sont entrés de force dans l'assemblée nouvellement élue. Munis de drapeaux rouges, ils manifestaient leur solidarité avec les révolutionnaires polonais. Alors que la calèche de son père est sur le point de la rattraper, Suzanne se fond rapidement dans la foule. Les ouvriers ont commencé à défiler, chaque profession sous sa bannière colorée. Les visages sont tendus, exaspérés par des mois de combat. Dans le cortège, Suzanne entend des bribes de conversation. Ce matin, Marie, le ministre des Travaux publics, a éconduit les délégués du peuple. On dit même qu'il les a insultés, traités d'esclaves. Quand elle est sûre d'avoir semé son père, Suzanne s'extrait de la foule. Vous avez l'air perdu ? Que fait une demoiselle comme vous ici ? Je cherche le club des femmes. C'est au bout de la rue, à Chaussée d'Antin. Je peux vous y conduire si vous voulez. Merci. C'est donc la première fois que vous y allez ? J'y vais pour trouver ma sœur. Avant, elle se réunissait au café-concert, mais les gens se moquaient trop. Qui ? Les bourgeois ? Les ouvriers, heureux de trouver plus miséreux qu'eux. Et vous ? Vous faites partie du cortège ? Ah, ne vous fiez pas à mes pauvres vêtements. Je ne suis pas ouvrier, mais homme de lettres. Hippolyte, pour vous servir. Suzanne, vous êtes vraiment un homme de lettres ? Regardez ce paletot troué. Il n'y a pas plus bohémien que moi. Vous connaissez le café Momus, alors ? Bien sûr. J'y ai bu un verre pas plus tard qu'hier. On y était tous, Nadar, Delacroix, toute la bande. Tenez, il n'y a pas longtemps, j'ai trinqué avec Charles Baudelaire. Il était complètement déprimé, prêt à tout arrêter. Je l'ai encouragé à continuer. Vous connaissez Baudelaire ? C'est un de mes meilleurs amis. En février, on était sur les barricades ensemble. Il est resté moins longtemps que moi, il devait déjeuner chez sa mère. Et vous ? Chez quel éditeur êtes-vous ? Moi ? Moi, c'est particulier. Le grand public n'est pas encore prêt. J'écris à compte d'auteur. Alors, vous êtes venu ici pour vous inspirer ? Absolument. Tout ce bruit, cette fureur, ça m'a inspiré un sonnet sur le sacrifice, la révolution. Je pensais appeler ça Hernani. Comme la pièce de Victor Hugo ? Ah oui. Oui, c'est vrai. Vous êtes sûr que vous êtes homme de lettres ? Moi ? Bien sûr. Mais j'avais trouvé le titre avant lui. Vous connaissez donc la littérature ? Je veux devenir écrivain. Vous êtes de quel côté ? Où je n'ai pas de club ou de bannière. Je reste plutôt extérieur à ce qui se passe. Moi, c'est l'art pour l'art. Vous comprenez ? Parlez-moi de la vie de bohème. C'est une vie folle et passionnante. La nuit, on fait la noce. Le matin, on écrit. Alors, vous ne dormez jamais ? On doit faire preuve de beaucoup de patience et de travail. On passe son temps à produire et produire encore. Écoutez, que diriez-vous de continuer cette conversation au jardin du Luxembourg, à l'ombre des marronniers ? Je vous raconterai le jour où j'ai dû apprendre l'anglais en 2 heures. Je ne peux pas. Je dois retrouver ma sœur. Votre sœur, c'est vrai. Elle est partie il y a 10 ans. Elle avait 20 ans et moi 8. Vous ne l'avez plus jamais revue ? Je suis désolé. J'espère que vous allez la retrouver. Tenez, on est arrivé. C'est ici, le club des femmes. Merci pour votre aide. Attendez, un instant. Quand est-ce qu'on peut se revoir ? Est-ce que Clotilde est à l'intérieur ? Est-ce qu'elle me reconnaîtra ? Sera-t-elle heureuse de me revoir ? Suzanne s'avance dans la salle des concerts. Des dizaines de personnes sont debout ou assises. Toutes sont des femmes. Elles écoutent avec attention l'oratrice qui s'exprime à la tribune. La femme ne veut plus être payée pour sa beauté, vendue pour sa dot, livrée par calcul. Elle veut être ensemble mère et citoyenne. Oui. Asseyez-vous ici, vous verrez mieux. L'homme a été le seul maître de nos destinées. Merci. Associons nos efforts aux siens. Que chacune d'entre nous puisse enfin faire entendre sa voix. Oui. Qui est cette femme ? George Sand ? George Sand ? La société... Que viendrait faire ici ce dindon ? Mettons-la sous non. ses deux pieds. Non, elle c'est Jeanne de Roing. Elle est journaliste, comme moi, pour notre journal L'Opinion des Femmes. Vainement chercher. Oui, bravo, bravo. En juin 1848, on compte 748 publications et 250 clubs politiques. Les femmes aussi s'organisent. Eugénie Niboyet, femme de lettres et saint-simonienne, fédère autour d'elle un groupe d'intellectuels dont Désirée Gay et Jeanne de Roing. En mars 1848, elles ont créé un club politique et un journal. Rapidement, elles réussissent un tour de force, faire l'unanimité contre elles. Le journal satirique Le Charivari les raille. Même George Sand prend ses distances. On les accuse de détruire les familles. Après tout, ne revendiquent-elles pas le droit au divorce et, comble de l'horreur, le droit de vote ? Pourquoi George Sand ne vient-elle pas ? Elle n'a pas apprécié que nous proposions sa candidature. Aux élections ? À l'Assemblée constituante. George Sand, député, ça aurait été quelque chose, non ? Bon, assez parlé d'elle. Je m'appelle Henriette. Je n'ai pas dormi depuis février, alors Pardonnez-moi si je radote. Je m'appelle Suzanne. On dit que la collision est proche entre le gouvernement et le peuple de Paris. Ce sont les hommes, pas les femmes, qui sont adeptes de la violence. Surtout nos députés. Certains députés veulent juste l'ordre. Ouais, peut-être. Vous savez qui seront les premières victimes ? Les ouvriers ? Non, les ouvrières. À chaque fois, leur serait pire que celui des hommes. Aux ateliers nationaux, elles gagnaient une pitance et leur journée de travail était beaucoup plus longue. Un jour viendra où nous remporterons la bataille. Les clubs vont fermer, c'est dommage. Je ne vous ai jamais vue ici. Je cherche ma sœur, Clotilde. La seule Clotilde que je connaisse est une ouvrière et révolutionnaire. On l'appelle la Robespierre. La Robespierre ? Est-elle si terrible ? Oh, bien sûr que non. Mais en février, elle s'est battue sur les barricades, aux côtés des hommes. Ce n'est pas elle. Ma sœur était une femme gentille et douce. Dites-moi, à quoi ressemble-t-elle, la Robespierre ? La trentaine, les cheveux bruns. Vous la connaissez bien ? On ne sait pas grand-chose sur elle, si ce n'est qu'elle est impliquée à nos côtés depuis 10 ans. 10 ans ? Et si c'était elle ? Elle souscrit à notre journal, je peux vous donner son adresse ? Elle habite au quartier latin, à côté de la place du Panthéon. Merci. La nuit est tombée. Lorsqu'elle arrive place du Panthéon, Suzanne découvre une réunion éclairée au flambeau. Des centaines d'ouvriers écoutent, sans cris ni applaudissements. Suzanne s'arrête, frappée par cette ambiance étrange, électrique. Dans l'obscurité, elle devine des expressions déterminées. Pour les ouvriers, la fermeture des ateliers nationaux revient à abandonner le droit au travail. Ils refusent, comme on leur demande, de partir en province, où les conditions de vie sont mauvaises. Le gouvernement refuse de négocier. La situation est donc bloquée. Suzanne s'aventure dans les ruelles étroites du quartier latin. Toutes les fenêtres sont ouvertes par cette nuit noire et chaude. Depuis les étages des immeubles, elle entend les chuchotements inquiets. Ce soir du 22 juin 1848, il n'y a plus qu'un seul sujet de conversation, la révolte de demain. C'est donc ici. C'est si sale. Est-ce possible qu'elle vive dans ce taudis ? Qui est-ce que je vais trouver ? Ma sœur ? Ou la Robespierre ? Est-ce qu'on peut changer à ce point ? Est-ce qu'elle aurait perdu la mémoire ? La porte de sa chambre. Il y a quelqu'un ? Personne. C'est ouvert. Et si j'entrais ? Est-ce possible que quelqu'un vive ici ? C'est si vide. Et ça, c'est quoi ? Une arme ? Qu'est-ce que je fais ? Elle va me trouver. Et si j'avais fait erreur ? Et si ce n'était pas elle, la Robespierre ? Je dois me cacher. Là ! Dans la penderie. Tu ne devrais pas venir au quartier latin, c'est dangereux. Alors c'est ici que tu as posé tes valises. Mon père ? Et l'autre ? Oui. C'est elle. C'est son visage. Un peu plus mûr, mais toujours beau. Clotilde. Qu'est-ce que tu es venue faire ici ? Ma sœur. La ville est en ébullition. Je dois te parler. Nous nous sommes dit tout ce que nous avions à nous dire. Je veux te donner une seconde chance. Quitte la ville. Immédiatement. As-tu changé d'avis ? Non. Alors ça ne servait à rien de venir. Alors mon père l'a toujours su. Clotilde était en vie. Tu es encore ma fille, Clotilde. Et toi, tu es encore mon père. S'il te plaît, aide-moi. Fais libérer mon mari. C'est dans ton pouvoir. Je ferai tout pour toi. Mais lui, qu'il croupisse en prison. Il a corrompu ton âme, lui et ses idées révolutionnaires. Depuis que tu es avec cet ouvrier, tu es devenue une autre. Sors d'ici. Sinon... Sinon quoi ? Tu vas me tuer, moi aussi ? Comme les soldats, les gardes mobiles, et tous ceux que tu vas assassiner du haut de ta barricade ? Nos barricades vous ont bien servi en février. C'était différent. C'était la volonté du peuple. Vous avez trahi le peuple, renié toutes vos promesses. La République, ça n'est pas cette chose molle. Ça n'est pas pour ça qu'on s'est battu. Sais-tu au moins pourquoi vous vous êtes battu ? Pour le socialisme ? Pour le blanquisme ? Pour la République démocratique et sociale ! Pour la souveraineté du peuple. Pour la souveraineté d'une bande de criminels. Qu'est-ce que c'est? Tu ferais mieux de partir. D'un moment à l'autre, l'orage peut éclater. Viens avec moi. Tu auras beau te revêtir de toutes les blouses sales du monde, tu ne changeras pas qui tu es. Je dois te laisser car Suzanne a dû rentrer. Au revoir, père. Au revoir. Qui que vous soyez, vous pouvez sortir maintenant. Je vois votre reflet dans la glace. Clotilde. C'est moi, Suzanne. Suzanne? Ta sœur. Oui, c'est toi. Je ne savais pas que tu étais en vie. Je croyais que je ne te reverrais jamais. Ma petite sœur. Tu m'as tellement manqué. Assieds-toi là, sur le lit. Tu as vu ça? Ce n'est pas aussi luxueux que chez les parents. J'ai tout entendu. Je sais pourquoi tu es partie. Papa s'opposait à ton mariage parce que c'était un ouvrier. Un ouvrier, un révolutionnaire et un autre homme que lui. Tu veux qu'il le fasse libérer? Alors tu as ravalé ta fierté et tu es revenue. Il a été arrêté le 15 mai avec Barbès et Raspail. À présent, tu es la Robespierre. Es-tu devenue si terrible? Je ne veux plus me laisser faire. Je préfère qu'on me craigne. Tu te souviens? Juste avant de partir, tu es venue me voir dans la chambre. Tu écoutais à peine ce que je disais. Tu étais trop occupée à jouer avec une petite poupée horrible. Je n'avais aucune idée de ce qui se tramait. Quand tu es partie, cette poupée, je l'ai appelée Clotilde. Non. Ce jour-là, tu m'as promis que tu m'emmènerais vers la mer. Oui, je me souviens. Après ton départ, je me suis mise à écrire. Pour combler ton absence. Grâce à toi, je suis devenue... qui je suis. Qu'est-ce que c'est? Ça devient trop dangereux. Il faut que tu partes, loin. Non, Les soldats, dans l'immeuble. Quelqu'un m'a dénoncé. Tout est perdu. Je suis la seule à savoir où sont les munitions. Demain, j'ai rendez-vous à la rue Mazagran. Je peux t'aider. Les soldats ne te connaissent pas? Non. Alors ils ne feront pas la différence entre nous. Je me ferai arrêter par la police. Tu es folle? Je ne te laisserai pas croupir à Saint-Lazare. Ils ne m'emmèneront pas. Tu as oublié? Je suis une bourgeoise, tu es une ouvrière. Ils se rendront compte de leur erreur et ils me relâcheront. C'est trop dangereux. Nous n'avons pas le choix. Alors, tu es d'accord? Clotilde! Ouvrez la porte, s'il vous plaît. D'accord. Va te cacher. Là où j'étais. Tu as bien grandi depuis le temps. Merci, petite sœur. À une condition. Quand tout sera terminé, nous irons à la mer. Ils nous emmènent où, comme ça, en pleine nuit? Jusqu'à Saint-Lazare, la prison des femmes. Pourquoi on t'a arrêtée? Moi, c'est une erreur. Ils m'ont prise pour quelqu'un d'autre. C'est ce qu'on dit toutes. T'as tout le trajet pour trouver mieux. Au fait, je m'appelle Marie. Suzanne. Et toi qui t'as dénoncée? Moi, j'hésite entre le propriétaire et le boucher. On n'arrête pas les gens sans preuves. Ah, des preuves, ils en trouvent. Moi, c'est mon dé à coudre. Ils disent que je m'en sers pour faire fondre les balles. Et c'est vrai? Bien sûr. Et je sais aussi transformer le plomb en or. C'est comment, Saint-Lazare? Rude. Rempli de voleuses et pire encore. Mais toi et moi, on a de la chance, on est ouvrière. Ah oui? Et pourquoi? Les filles ne nous maltraiteront pas trop. Une bourgeoise tiendrait pas plus d'une journée. Je vais pas rester longtemps. Oui, je sais, tu me l'as déjà dit, t'en prise pour quelqu'un d'autre. Et si les gardes refusent de me croire? Je pourrais rester à Saint-Lazare des semaines, des mois, des années. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. La prison est encore loin. Tu vois quelque chose? Une calèche est en travers de la route. Un homme en est descendu, il parle à notre cocher. Je n'entends pas. La Il dit de faire descendre comme prévu une certaine Clotilde. Je viens me faire appeler Clotilde, moi. C'est mon père? Pourquoi pense-t-il que Clotilde est ici? C'est donc forcément lui qui l'a dénoncé. Clotilde, tu peux descendre. Non, père. Clotilde est déjà loin. Suzanne? Laisse-moi passer. Où vas-tu? Suzanne! Suzanne! C'est petit, mais je suis bien chez Clotilde. Suzanne, je sais que tu es là. C'est vrai que j'ai dénoncé Clotilde. Je voulais la sauver d'elle-même, d'une mort indigne au milieu des gravats. Je ne peux plus rien pour elle. Mais toi, tu es jeune, tu as la vie devant toi. Rentre à la maison. S'il te plaît. Quand tout sera fini, on reprendra la vie comme avant. Suzanne, tu m'entends? Je suis ton père. On est une famille, toi et moi. Personne ne peut nous séparer. On est unis, inséparables, jusqu'à la fin des temps. Tu m'entends, petit? Suzanne! On ne peut plus revenir en arrière. Je ne rentrerai pas. Je pourrais enfoncer la porte si je voulais. Il est parti. Quel silence. Le quartier latin a trouvé le sommeil. C'est le calme qui précède la tempête. La journée de demain s'annonce longue et tragique. Dans la nuit du 22 juin, les barricades se multiplient dans les faubourgs Saint-Marcel et Saint-Antoine. Mais le gouvernement refuse de céder sur la question des ateliers nationaux. Le 23 juin, à 6h du matin, un cortège de 8000 personnes se met en route du Panthéon jusqu'à la Bastille. Encore dans un cortège? Vous êtes une véritable insurgée. Hippolyte! Vous n'avez pas oublié notre rendez-vous au jardin du Luxembourg? Je dois rejoindre la rue Mazagran. À côté de la porte Saint-Denis? C'est là que les combats font rage? Il y a des blessés? Ma sœur y est. C'est trop dangereux, vous devez rentrer chez vous. Et puis je veux être écrivain, ma place est avec le peuple. Nous ne sommes plus en février, les artistes ont quitté le navire. Alexandre Dumas dit que le peuple le dégoûte. À l'Assemblée, Victor Hugo traite les ouvriers de paresseux. Hugo a dit ça? Vous voyez, je vous l'avais dit, tout ça est compliqué. Mieux vaut ne pas prendre parti. Non, Hippolyte, les choses sont simples. D'un côté, il y a les bourreaux, de l'autre, les victimes. Vous devez choisir un camp. Alors? Je vous ai menti. Comment? Je ne connais ni Baudelaire, ni Delacroix, et je ne suis jamais allé au Café Momus. Je vous ai suivi jusqu'ici parce que vous me plaisez. Et je ne veux pas vous perdre. N'allez pas rue Mazagran. Vous n'êtes pas un homme de lettres? Je fais partie de la bohème. La pauvre. La vraie. Celle qui n'a pas encore réussi. Que faites-vous alors? Je travaille dans un lycée, comme pion. Pion? Je vous pardonne. Maintenant, accompagnez-moi. Dans la matinée du 23 juin, telle une vague, les barricades se propagent dans l'est de Paris. Les drapeaux colorés des ateliers nationaux flottent sur les pavés. Les panneaux réclament du travail et du pain. Les gardes mobiles qui les affrontent ne sont pas des militaires aguerris, mais des jeunes gens désœuvrés, à peine plus âgés que des enfants soldats. Pour s'assurer de leur fidélité, la Deuxième République leur distribue du vin et de la liqueur. Arrivés à la porte Saint-Denis, Suzanne et Hippolyte, pour se mettre à l'abri des combats, entrent dans la seule boutique restée ouverte. Ils y retrouvent Clotilde et, à leur grande surprise, Henriette. Suzanne, tu as réussi à te libérer. Je t'ai si inquiète. Viens dans mes bras. Mais je ne veux pas que tu restes ici. Clotilde, pourquoi es-tu habillée en rouge? Pour que les gardes mobiles me voient, bien sûr. Je vais monter sur la barricade. Les combattants pensent que les gardes mobiles ne tireront pas sur les femmes. Ils ne connaissent pas les gardes mobiles. Ils ne respectent pas les femmes et surtout pas les ouvrières. Clotilde, cette guerre est une lutte d'hommes. Renoncez à vous battre. Aurais-tu une autre robe rouge? Une autre? Pour toi? Jamais de la vie. Tu dois retourner chez notre père. Ce n'est plus 8 ans, Clotilde. Je suis encore ta grande sœur. Vous, comment vous vous appelez? Hippolyte, madame. Surveillez-la. Qu'elle ne sorte pas d'ici. Vous aurez affaire à moi. Bon, j'y vais. Vous me souhaitez bonne chance. S'il vous plaît, Clotilde. Souvenez-vous de ce que dit Jeanne de Rouen. La révolution est une affaire d'hommes, pas de femmes. Les femmes aussi se battent, Henriette. Laissez-moi passer. Clotilde, revenez! Elle s'approche de la barricade. Sa robe est rouge comme le sang. Je ne peux pas la laisser y aller seule. Cette guerre n'est pas la vôtre. Laissez-moi passer, vous voulez m'emprisonner, vous aussi? De l'autre côté de la rue, les gardes mobiles installent leurs armes. Ils se préparent à tirer sur les ouvriers. Clotilde n'est pas armée. C'est horrible. On ne peut rien faire. Clotilde, non! Suzanne! Suzanne court dans la rue Mazagran à la poursuite de sa sœur. Vêtue de rouge, Clotilde monte sur la barricade. Les ouvriers la laissent passer avec respect. On dirait la victime sacrificielle d'un rite archaïque. En face, un jeune soldat vise Clotilde. Il est sur le point de tirer, puis baisse son arme pendant quelques instants. Il semble hésiter. Suzanne court vers sa sœur et s'agrippe à elle. Non ! Depuis la boutique où ils sont réfugiés, Hippolyte et Henriette voient Clotilde en haut de la barricade se tourner lentement, défaillir, puis tomber. Les combats de rue s'intensifient à la porte Saint-Denis et se propagent dans toute la ville. L'insurrection commence. Ton bras va mieux? Ça fait moins mal qu'avant. Bientôt, la Robespierre signera de nouveaux tracts révolutionnaires. Sans toi, je ne serai plus en vie. Je dois partir, Suzanne. Je sais. Les arrestations continuent. Les exécutions aussi. La République continue à assassiner ses filles et ses fils. Tu sais où tu vas aller? Père m'aide à partir pour l'Angleterre. Vous êtes réconciliés? Nous ne serons jamais d'accord, lui et moi. Il veut l'ordre et moi le socialisme. Et ton mari? Père a réussi à le faire libérer. C'est un homme bon. Il ne s'imaginait pas qu'il y aurait autant de morts. Au fait, tu vois toujours Hippolyte? Quelquefois. Hier, il m'a demandé de l'épouser. Et tu as accepté? On se chamaille beaucoup. Je ne sais pas encore. C'est l'heure d'y aller. Au revoir, Clotilde. Au revoir, petite sœur. Les combats de rue ont duré du 23 au 26 juin 1848. Pendant 4 jours, la République réprime dans le sang la révolte parisienne. On estime de 3500 à 10 000 le nombre d'insurgés tués au combat. La République se déchire. Pour de nombreux révolutionnaires, ces journées marquent la fin d'une parenthèse magique. La journée de travail est rétablie à 12 heures, les clubs politiques et les journaux sont encadrés, 11 000 personnes entassées dans des prisons de fortune attendent d'être jugés et transportés à l'étranger. Le 10 et le 11 décembre 1848, de nouvelles élections doivent désigner le premier président de la République française. Contre toute attente, Louis-Napoléon Bonaparte est élu. 3 ans plus tard, son coup d'État du 2 décembre 1851 met fin à l'expérience républicaine. Suzanne ? Oui, père ! J'arrive ! Dépêche-toi, nous devons partir ! Ma vieille chambre n'a pas changé. Ça fait 3 ans que je ne suis pas revenue ici. Je me souviens des journées de juin, des massacres, des cris. Tout est rentré dans l'ordre maintenant. Mais les ouvriers, eux, n'ont pas oublié. Suzanne, tu viens ? Hippolyte et les enfants sont arrivés. On va embarquer le bateau. J'ai hâte de voir ma sœur en Angleterre. Et Henriette aussi. Elle s'est installée là-bas. En France, les droits des femmes ne sont pas pour aujourd'hui. Clotilde, Henriette, Jeanne de Rouen. ces femmes qui se sont battues. Toutes sont des insurgées. « 1848, des femmes dans la Révolution » de Tady McNamara avec Capucine Lespinas, Suzanne, Maëlys Ricordo, Clotilde, Pierre Osséda, Lucien, Hector Manuel, Hippolyte, Myriam Azinko, Henriette, Valérie Moinet, Marie, Hélène Alexandridis, Jeanne Desroins et les voix de Blandine Baudrillard, Vanessa Bilodoir et Claire Rupli. Bruitage Elodie Fiat, équipe technique Bernard Laniel et Emmanuel Armin, réalisation Cédric Ossir. Dans quelques minutes, la suite de mon entretien avec l'historienne Michèle Rios-Arcet. Autant en emporte l'histoire, Stéphanie Duncan. Nora Marlin, Soothing, sur France Inter, la réalisation Hélène Bizio, assistée de Christiane Alain Favre, programmation musicale Djoubaka, la technique Maxime Ingrand. Michèle Rios-Arcet, nous venons de vivre avec Suzanne les journées de juin 1848. Suzanne, une jeune fille de bonne famille, fille d'un député républicain, elle souhaite devenir écrivain, elle s'intéresse au sort des ouvriers, des ouvrières, elle découvre le féminisme aussi dans les clubs de femmes et va assister impuissante à la répression des barricades de juin. Des Suzanne comme ça, il y en a eu dans la vraie histoire? Il y a eu beaucoup de femmes dans cette révolution de 1848. Il y a eu beaucoup de femmes. On a négligé leur présence parce qu'effectivement, la révolution de février a été faite pratiquement par les prolétaires, comme on disait à cette époque-là, c'est-à-dire les ouvriers, les artisans, comme ça a été dit dans la fiction et ce, oui, ce qui précédait. Ce que vous me dites, mais c'est une révolution faite essentiellement par les ouvriers, par les ouvriers. Le peuple. C'est une révolution sociale qui avait pour objectif, comme je vous l'ai dit, d'abolir la misère et de régler cette question du travail. Elle n'a pas été réglée et en juin, avec l'interdiction des ateliers nationaux, la fermeture, l'impossible réponse donnée à la question sociale, a fait qu'une partie à Paris et des provinciaux qui venaient à Paris ont décidé de manière spontanée, sans la présence du moindre leader, puisque ce que l'on considère comme des porte-paroles du mouvement de cette époque-là, avaient été arrêtés après les affaires du 15 mai. Donc, spontanément, la totalité de Paris, ouvriers, surtout dans l'est de Paris, s'insurge. Parce que leur république, ils ne la retrouvent pas dans celle qui a été élue en avril 1848. Alors, quelles sont ces femmes qui, tout à coup, se mettent à parler comme ça? Il y a des clubs de femmes, elles écrivent, elles rédigent des pétitions. Dès le début. Comment ça se fait? Dès le début. Qui sont ces femmes? Dès le 2 mars, par exemple, Désirée Véret va écrire, qui a épousé un Jules Gay, va écrire à ses amis saint-simoniens pour dire, voilà, je suis prête pour la révolution. Dès le 2 mars. Et les unes et les autres, qui sont des mères de famille, pour l'essentiel, qui se sont vraiment mobilisées dans les années 1830, après la révolution de 1830. Et donc, toutes sont des femmes correctes, dirions-nous. Toutes sont des femmes installées, oui, respectables, ouvrières devenues institutrices, comme Jeanne de Rouen, ouvrières devenues quelqu'un qui travaille dans la mode, comme Désirée Véret, ou Suzanne Voilquin, ancienne saint-simonienne, qui est devenue aussi sage-femme. Chacune d'entre elles, Eugénie Desboyer, qui est une femme de lettres, et qui bénéficie, avant la révolution de 48, d'une indemnité littéraire, c'est-à-dire qu'elle est reconnue, elle traduit des ouvrages de l'anglais au français. Toutes ces femmes qui ont un réseau, y compris international, extrêmement important, étonnant, puisque les ouvrières passaient facilement la mer, si vous voulez, pour aller du côté de l'Angleterre pour travailler, par exemple. Suzanne Voilquin va partir en Russie, par exemple. Okay. Donc, qu'est-ce qu'elles demandent, ces femmes? Quelles sont leurs revendications? Les revendications, c'est d'une simplicité angélique, si je puis dire, c'est-à-dire d'une évidence absolue. Elles demandent d'être considérées comme des personnes qui peuvent accéder à l'universalité des droits. On a proclamé le suffrage universel. Elles disent de manière explicite, puisqu'elles ont un journal, elles vont demander à Eugénie Desboyer, qui a pignon sur rue, d'une certaine manière, de diriger ce journal, La Voix des Femmes. Elles demandent d'avoir les mêmes droits que les hommes. C'est les droits civils, donc, c'est ça? Les droits civils et les droits civiques. C'est-à-dire qu'elles demandent la réforme, bien sûr, du code civil, qui les a réduites à la minorité. Le code civil de 1804 de Napoléon, exactement, qui les réduit à l'état elles n'ont pas de statut en tant que telles, puisqu'elles sont sous la dépendance du père, puis sous la dépendance du mari. Et outre la réforme du code civil, elles demandent, bien sûr, le suffrage universel réel. Le droit de vote. Le droit de vote. Et donc, elles vont être, bien sûr, atterrées par ce qui se passe en juin 48. On ne sait pas vraiment si elles ont été partie prenante à ce point, c'est-à-dire être partie prenante, y compris sur les barricades. Ça appartient au mythe, et je pense que Victor Hugo a participé à cette élaboration du mythe. Le mythe de la robe rouge sur la barricade. Le mythe de la robe rouge. Alors, il est vrai que la couleur rouge avait un sens en 1848, puisque Lamartine a réussi, ministre des Affaires étrangères, dans un beau discours qu'il a prononcé à l'Hôtel de Ville, a réussi à imposer le drapeau bleu, blanc, rouge, alors qu'une partie de la population, puisqu'elles avaient fait la Révolution voulait le drapeau rouge. Alors, il est vrai que cette couleur rouge n'est pas neutre. Il n'y avait pas de femmes qui se sacrifiaient sur les barricades en robe rouge. Je ne le crois pas, mais vous savez, dans une barricade, dans un moment aussi intense, incontestablement, il y a eu des moments d'une très grande force, intensité et révolutionnaire. Donc, les morts ont été extrêmement nombreux, vous l'avez dit, et les femmes ont été partie prenante dans le sens où, par exemple, sur la barricade de Saint-Antoine, elle a été aussi construite par les habitants du quartier, hein, avec tout ce que ça implique comme main-d'œuvre, enfants, femmes, tout le monde participait à l'élaboration à l'érection de la barricade. Donc, c'est une participation populaire en juin 48. Et tous les observateurs, Tocqueville y compris, tous les observateurs ont été étonnés par cette organisation spontanée, particulièrement vigilante, particulièrement efficace, qui mobilise en particulier l'Est de Paris. Mais ces femmes, est-ce qu'elles ont été écoutées? Elles ont été beaucoup moquées? Non, pas totalement. C'est-à-dire qu'elles ont été moquées, effectivement, à la veille de juin 48, il y a 3000 hommes, tout confondus, qui manifestent contre le Club des Femmes, dont Génie Liboyer avait pris la présidence. Et ce Club des Femmes réclamait, et les femmes réclament depuis très longtemps, le rétablissement du divorce qui avait été obtenu pendant la Révolution, la Grande, dirions-nous, et qui a été aboli en 1816, donc par la Restauration. Elles réclament le rétablissement du divorce, et en même temps, elles réclament leurs droits. Alors en même temps, ce qui est intéressant, c'est que du point de vue social, les femmes ont été intégrées aux associations, totalement intégrées, puisque Jeanne de Roing, précisément, puisqu'il s'agit d'elle, va être en 1849, après juin 48, à l'origine de la rédaction de l'association des associations qui considère que les ouvriers, désormais, doivent s'occuper de leurs propres affaires. Pauline Droland, parmi elles, qui a été en prison, a, elle, appelé au gouvernement direct des travailleurs. Puisque les travailleurs ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale, il est nécessaire qu'ils gèrent, en quelque sorte, l'organisation des travailleurs eux-mêmes. Il n'est plus question d'organisation du travail, mais l'organisation des travailleurs. Et donc, Pauline Roland, par exemple, elle va terminer, puisqu'elle s'oppose également au coup d'État, elle va être emprisonnée et par ailleurs exilée en Algérie, et elle mourra d'épuisement après l'amnistie. Elle n'arrivera même pas jusqu'à Paris. Jeanne de Roing, exilée en Angleterre, décidera, comme Victor Hugo, seulement bien entendu elle n'a pas le talent d'écrivain de Victor Hugo, décidera de jamais de remettre les pieds dans ce pays gouverné par un despote. Elle restera donc pauvre, institutrice, à donner des cours privés en Angleterre jusqu'à sa mort. Et le suffrage universel, vraiment universel, ne et le suffrage sera universel sera acquis refusé, pour les femmes pas simplement en 1944. Donc le suffrage universel ne tard. Sera pas refusé simplement par la République tout court, la République d'ordre, elle sera refusée aussi par le socialisme, puisque Pierre-Joseph Proudhon refuse à Jeanne de Roing, qui se pose comme candidate aux élections législatives partielles de 49, refuse de la nommer une femme à oser se présenter aux élections 49. Le socialisme, dit-il, serait déconsidéré si nous prenons en compte sa revendication. Merci Michel Riault-Sarcey. Je rappelle que vous êtes l'auteur avec Maurizio Gribaudi de 1848, La Révolution oubliée à la découverte, et plus récemment Le procès de la liberté, un très beau livre, une histoire souterraine du 19e siècle en France aux éditions La Découverte, qui a reçu le prix Pétrarque de l'essai France Culture Le Monde 2016. Autant n'importe l'histoire est terminée pour ce soir. Une émission à réécouter, podcastée sur notre site franceinter.fr où j'attends comme d'habitude vos commentaires ainsi que sur la page Facebook de l'émission. La semaine prochaine, c'est une femme encore que nous parlerons. Une femme et une artiste sublime, Maria Callas. Le 29 mai 1965, seule dans sa loge de l'Opéra de Paris, elle s'apprête à interpréter le rôle fétiche de son répertoire, Norma. Mais elle doute. Elle doute qu'encore une fois sa voix ce soir va la trahir. Elle doute aussi de l'amour de l'homme de sa vie, l'armateur Aristote Onassis, grec comme elle. Maria Callas, sa voix perdue, c'est dimanche prochain dans Autant n'importe l'histoire. Mais dans quelques minutes, vous avez rendez-vous bien sûr avec Noël Bréham pour État d'esprit. Très bonne soirée à tous.